Chapitre 3. Système de fusion adopté par Bonaparte. Publication de mon ouvrage sur la littérature. Tandis qu'on a vu les rois chrétiens prendre deux confesseurs pour faire examiner de plus près leur conscience, Bonaparte s'était choisi deux ministres, l'un de l'ancien et l'autre du nouveau régime, dont la mission était de mettre à sa disposition les moyens machiavéliques des deux systèmes contraires. Bonaparte suivait, dans toutes ses nominations, à peu près la même règle de prendre, pour ainsi dire, tantôt à droite, tantôt à gauche, ou, en d'autres termes, de choisir alternativement ses agents parmi les aristocrates et parmi les jacobins. Le parti mitoyen, celui des amis de la liberté, lui plaisait moins que tous les autres, parce qu'il était composé du petit nombre d'hommes qui, en France, avaient une opinion. Il aimait mieux avoir affaire à ceux qui étaient attachés à des intérêts royalistes, ou déconsidérés par des excès populaires. Il alla jusqu'à vouloir nommer conseiller d'État un conventionnel souillé des crimes les plus vils de la terreur. Mais il en fut détourné par le frissonnement de ceux qui auraient eu à siéger avec lui. Bonaparte eût aimé à donner cette preuve éclatante qu'il pouvait tout régénérer, comme tout confondre. Ce qui caractérise le gouvernement de Bonaparte, c'est un mépris profond pour toutes les richesses intellectuelles de la nature humaine, vertu, dignité de l'âme, religion, enthousiasme, voilà quels sont, à ses yeux, les éternels ennemis du continent, pour me servir de son expression favorite. Il voudrait séduire l'homme à la force et à la ruse, et désigner tout le reste sous le nom de bêtise ou de folie. Les Anglais l'irritent surtout, parce qu'ils ont trouvé le moyen d'avoir du succès avec de l'honnêteté, chose que Napoléon voudrait faire regarder comme impossible. Ce point lumineux du monde a offusqué ses yeux dès les premiers jours de son règne. Et, ne pouvant atteindre l'Angleterre par ses armes, il n'a cessé de diriger contre elle toute l'artillerie de ses sophismes. Je ne crois pas que Bonaparte, en arrivant à la tête des affaires, eût formé le plan de la monarchie universelle. Mais je crois que son système était ce qu'il a déclaré lui-même à un homme de mes amis, peu de jours après le 18 Brumaire. « Il faut, lui dit-il, faire quelque chose de nouveau tous les 3 mois, pour captiver l'imagination de la nation française. Avec elle, quiconque n'avance pas est perdu. » Il s'était promis d'empiéter chaque jour sur la liberté de la France et sur l'indépendance de l'Europe. Mais, sans perdre de vue le but, il savait se prêter aux circonstances. Il tournait l'obstacle quand cet obstacle était trop fort. Il s'arrêtait tout court quand le vent contraire était trop violent. Cet homme, si impatient au fond de lui-même, a le talent de rester immobile quand il le faut. Il tient cela des Italiens, qui savent se contenir pour atteindre le but de leur passion, comme s'ils étaient de sang-froid dans le choix de ce but. C'est par l'art d'alterner entre la ruse et la force qu'il a subjugué l'Europe. Au reste, c'est un grand mot que l'Europe. En quoi consistait-elle alors? En quelques ministres, dont aucun n'avait autant d'esprit que beaucoup d'hommes pris au hasard dans la nation qu'il gouvernait. Vers le printemps de l'année 1800, je publiai mon ouvrage sur la littérature, et le succès qu'il obtint me remit tout à fait en faveur dans la société. Mon salon redevint peuplé, et je retrouvai ce plaisir de causer, et de causer à Paris, qui, je l'avoue, a toujours été pour moi le plus piquant de tous. Il n'y avait pas un mot sur Bonaparte dans mon livre, et les sentiments les plus libéraux y étaient exprimés, je crois, avec force. Mais alors, la presse était encore loin d'être enchaînée, comme à présent. Le gouvernement exerçait la censure sur les journaux, mais non pas sur les livres, distinction qui pouvait se soutenir si l'on avait usé de cette censure avec modération, car les journaux exercent une influence populaire, tandis que les livres, pour la plupart, ne sont lus que par des hommes instruits et peuvent éclairer l'opinion, mais non pas l'enflammer. Plus tard, on a institué, dans le Sénat, je crois par dérision, une commission pour la liberté de la presse, et une autre pour la liberté individuelle, dont maintenant encore on renouvelle les membres tous les 3 mois. Certainement les évêchés in partibus et les sinécures d'Angleterre donnent plus d'occupation que ces comités. Depuis mon ouvrage sur la littérature, j'ai publié Delphine, Corinne et enfin mon livre sur l'Allemagne, qui a été supprimé au moment où il allait paraître. Mais, quoique ce dernier écrit m'ait attiré d'amères persécutions, les lettres ne me semblent pas moins une source de jouissance et de considération, même pour une femme. J'attribue ce que j'ai souffert dans la vie aux circonstances qui m'ont associé, dès mon entrée dans le monde, aux intérêts de la liberté que soutenaient mon père et ses amis. Mais le genre de talent qui a fait parler de moi comme écrivain m'a toujours valu plus de plaisir que de peine. Les critiques dont les ouvrages sont l'objet peuvent être très aisément supportées quand on a quelque élévation d'âme, et quand on aime les grandes pensées pour elles-mêmes encore plus que pour le succès qu'elles peuvent procurer. D'ailleurs, le public, au bout d'un certain temps, me paraît presque toujours très équitable. Il faut que l'amour-propre s'accoutume à faire crédit à la louange, car, avec le temps, on obtient ce qu'on mérite. Enfin, quand même, on aurait longtemps à souffrir de l'injustice, je ne conçois pas de meilleur asile contre elle que la méditation de la philosophie et l'émotion de l'éloquence. Ces facultés mettent à nos ordres tout un monde de vérités et de sentiments dans lequel on respire toujours à l'aise.